premier temps d'une série de 4 émissions de La Fabrique de l'Histoire consacrée à un conflit terrible qui a ensanglanté l'Europe dans la première moitié du XVIIe siècle, la guerre de 30 ans. Voilà une guerre qui a laissé peu de souvenirs dans les mémoires en France, à l'exception peut-être de la Lorraine, du Nord ou encore de Franche-Comté, la guerre de 30 ans qui se déclencha à Prague en 1618, il y a 400 ans, avant de se conclure avec les traités signés à Münster et Osnabrück en 1648. 30 ans de conflits religieux et politiques sur les décombres desquels sont sortis les États européens modernes. Demain, nous évoquerons les enjeux religieux en nous demandant pourquoi Louis XIII et Richelieu, par exemple, au lendemain des guerres de religion sur notre territoire, se sont engagés auprès de princes protestants. Mercredi, nous traiterons des traités qui mirent fin au conflit et jeudi, nous nous arrêterons dans le documentaire d'Olivier Chaumel et Marie-Laure Ciboulet sur le cas du château de la Motte détruit pendant cette guerre. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir avec nous un des très grands spécialistes du XVIIe siècle guerrier et pas simplement du XVIIe siècle, d'ailleurs Hervé Drévillon, professeur d'histoire moderne à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a co-dirigé avec Olivier Viviorca, une histoire militaire de la France qui paraît tout juste chez Perrin. Il est certain que, par suite des courses et des pestes qui s'échauffèrent l'année 1636, la désolation fut si grande dans la terre de Jonvel que la majeure partie des habitants mourut, les uns de la contagion, les autres de la famine. Il en fut tué un grand nombre et le reste fait prisonnier ou dispersé dans les bois, ne sachant que devenir et cherchant seulement une retraite pour sauver leur vie, bien loin de songer à leur récolte. Ceux qui purent rentrer quelques grains ou fourrages n'en tirèrent aucun profit, car les allées, passages et repassages des gens de guerre furent si fréquents pendant cette année que quand les uns sortaient, les autres rentraient. Aussi, outre la peste et les courses de Batilly qui commencèrent en 1635, la contrée eut à supporter en l'année suivante le passage des Suédois qui, après la levée du siège de Dole, mirent à feu et à sang les villages de Cor, Bourbével ou encore Ranzével, celui des troupes de secours de Lorraine, de l'armée du duc de Weimar qui s'empara de Jonvel et en fut chassé par les auxiliaires lorrains, enfin des soldats impériaux de Galas qui, arrivés en automne, séjournèrent dans le pays une partie de l'hiver. Bonjour Hervé Drévillon. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai commencé avec ce témoignage de Claude Guérin du village de Vougécourt, donc dans un document judiciaire qui a été retrouvé par un historien du 19e siècle sur les dégâts qui avaient été commis dans le bailliage d'Amon en Franche-Comté, justement, pendant cette guerre de 30 ans en 1636. Il faut bien un grand spécialiste de l'histoire militaire que vous êtes, vous qui co-dirigez l'histoire militaire de la France chez Perrin, avec le soutien du ministère des Armées, pour traduire un texte comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit exactement, ce texte sur la Franche-Comté de 1636 ? Alors, ce qu'il dit, c'est que la guerre de 30 ans survient quand même dans une conjoncture tout à fait particulière, qui est une conjoncture de crise globale. C'est-à-dire que nous sommes vraiment là au cœur de ce que les historiens ont appelé, à la suite d'Emmanuel Leroy-Ladurie, le mini-âge glaciaire, c'est-à-dire un moment de refroidissement climatique qui se traduit à l'échelle planétaire. Hein. Mmh. C'est exactement l'inverse de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mmh. C'est ce qu'a montré Geoffrey Parker dans un ouvrage justement sur la crise globale. Et puis par ailleurs, là, il y a aussi un moment de conjoncture particulier qui est le retour de la peste. Depuis la fin des années 1620, la peste est revenue. Alors, la peste existait à l'état endémique en Europe, mais malgré tout avec des moments de poussée épidémique. Alors, la dernière grande poussée datait des années 1590, et là, à partir de la fin des années 1620, la peste revient. Or, précisément, tous les phénomènes sont liés. Parce que phénomènes climatiques. Les phénomènes climatiques, les phénomènes épidémiques, parce que d'abord, une armée en mouvement, eh bien, c'est une armée de virus, de bacilles, de microbes, etc., qui se déplacent. Donc, les armées sont des vecteurs de transmission des épidémies. Et puis, par ailleurs, effectivement, il faut savoir que les armées traversent des espaces dans toute l'Europe, qui, en temps normal, déjà, peinent à être autosuffisants. Les paysans ont du mal à assurer leur propre subsistance. Or, quand une armée arrive, eh bien, la population est multipliée d'un seul coup par 5, par 10. Et donc, la question de la subsistance est vraiment une question extrêmement, extrêmement sensible. Et donc, lorsque une armée arrive dans un endroit et qu'elle, sans même aller jusqu'à piller, hein, qu'elle prélève des subsistances, mais enfin, on sait que ça va la logistique, voilà, ça va souvent plus loin, parce que la logistique des armées à cette époque est quand même très déficiente. Eh bien, lorsque des prélèvements sont faits, eh bien, ça compromet bien sûr la survie des paysans, parce que lorsque les grains sont prélevés, par exemple, en été, eh bien, les armées ont tendance à tout prendre, et du coup, il ne reste plus de grains pour assurer les semis de l'année suivante. Et donc, souvent, hein, le passage d'une armée à l'été, parce que voilà, les campagnes se font hein, plutôt à l'été, eh bien, ça compromet la survie des paysans, qui se traduit l'année d'après par vraiment des fortes crises de subsistance. Alors, cette Franche-Comté n'est pas encore française à ce moment-là. Non, elle est espagnole. Elle est espagnole et tout un tas de territoires qui sont ensuite intégrés au Royaume de France ne le sont pas. La Lorraine ne l'est pas encore, va le devenir à cette occasion. Tout un tas de territoires du nord de la France ne sont pas encore intégrés à la France. Le traité des Pyrénées qui mettra fin à un très long conflit avec l'Espagne sera signé en 1659. Donc, en 1618 et 1648, les deux dates bornes, pourrait-on dire, de notre période de la guerre de 30 ans, eh bien, la situation n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui, en tout cas pour le Royaume de France. Ah non, pas du tout, effectivement. Et nous avons une situation, bon, qu'on pourrait, même si l'expression est anachronique, puisque le terme de stratégie n'est pas employé au XVIIe siècle, mais une situation géostratégique qui est vraiment très très complexe, avec des territoires imbriqués. Par exemple, prenons la Lorraine que vous évoquiez. En fait, il y a deux Lorraines à cette époque. Il y a la Lorraine ducale, qui est dirigée par le duc de Lorraine, dont la capitale est Nancy. Théoriquement indépendante. Enfin, voilà, exactement. Voilà. Et puis la Lorraine française, qui est constituée par ce qu'on appelle les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun. Et donc, et ces territoires sont imbriqués. Et la Lorraine, justement, en particulier, hein, a été une province particulièrement éprouvée, puisque comme en Franche-Comté, hein, le scénario est à peu près le même. Les troupes passent et repassent, et puis passent incessamment d'un espace allié à un espace ennemi, etc. On a alors la situation est également très complexe en Alsace et puis il y a de nombreux territoires comme vous le disiez qui ne sont pas encore français, le Roussillon qui deviendra français effectivement à l'issue du traité des Pyrénées, l'Espagne elle-même qui est quand même le grand adversaire de la France pendant la guerre de 30 ans subit de nombreuses déstabilisations, en particulier les velléités d'indépendance de la Catalogne, qui fait sécession en 1640. Et du Portugal, en 1640 aussi. Avec le duc de Bragance qui va récupérer donc la couronne portugaise, qui était donc alliée avec l'Espagne auparavant. Alors, tout de même, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait depuis longtemps, et quand on s'intéresse à l'histoire militaire, que ça peut être une étincelle qui déclenche une guerre. On le sait pour l'invasion par la France de l'Algérie en 1830. On le sait aussi pour l'attentat de Sarajevo qui déclenche la Première Guerre mondiale. Là, ça se passe à Prague. C'est au printemps 1618, en mai 1618. Et il y a, on peut penser à une anecdote historique qui va déclencher la guerre, Hervé Drillon. Alors, c'est ce qu'on a appelé la défenestration de Prague. Alors, le problème qui se pose dans l'espace, alors lui aussi très complexe hein, d'un point de vue géopolitique, qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, c'est qu'il y a une autorité qui fédère plus de 300 États, dont certains ont vraiment des micro-États, ce sont des cités-États, comme Strasbourg, par exemple. Et donc, cette autorité qui fédère ces plus de 300 États, c'est l'autorité de l'empereur. Or, l'empereur est catholique, et l'Allemagne, enfin, le Saint-Empire, à ce moment-là, est partagé entre différentes religions, comme toute l'Europe qui est en train de vivre là, les suites de la réforme protestante. Donc l'empereur étant catholique, revient sur finalement la pacification qui avait été consentie en 1555 avec la paix d'Augsbourg, dont le principe avait été cuius regio et ius religio, c'est-à-dire tel prince, telle religion, c'est donc le souverain d'un État qui fixe la religion. Or là, l'empereur revient sur cette disposition et souhaite imposer la religion catholique, effectivement, à l'ensemble des États de l'Empire. Et c'est ce qui provoque la guerre. Et donc ça provoque cette défenestration de Prague, donc commise sur des représentants de l'empereur. Par les forces protestantes qui vont s'unir, se développer, qui vont subir une défaite considérable, qui est très connue dans la République tchèque actuelle. Effectivement, elle est généralement à un moment très important de la mémoire nationale tchèque, la défaite de la Montagne Blanche en 1620. Oui. Mais on peut se dire, ça peut rester circonscrit à cet espace géographique. Qu'est-ce qui explique, Hervé Drévillon, qu'on va sortir de cet espace purement pragois et même de cet espace du Saint-Empire romain germanique pour pouvoir, cette guerre va gagner toute l'Europe progressivement? Eh bien, parce que la religion n'est pas purement un phénomène national. L'Église catholique a des prétentions, enfin, universelles. Ça fait partie même de sa définition. Et puis, il y a également une solidarité entre protestants. Depuis le XVIe siècle, depuis la réforme protestante, la question religieuse est une question européenne, alors qui se déploie dans des espaces nationaux spécifiques, avec des lois et des façons de régler la diversité confessionnelle qui sont propres à chaque État, mais ça n'empêche pas qu'il y a de nombreuses solidarités et puis surtout des transferts d'un espace national à un autre. Alors, vous évoquiez la Montagne Blanche, donc cette défaite protestante du 8 novembre 1620 devant les forces de l'empereur catholique. Anton Dvorak a écrit « Les héritiers de la Montagne Blanche », un extrait. un extrait du titre d'Anton Dvorak, donc Les héritiers de la montagne blanche, dans une interprétation de l'Orchestre symphonique de Prague, les chœurs de la radio de Prague, sous la direction de Thomas Koutnik. Alors, nous parlons donc de cette guerre de 30 ans avec vous, Hervé Drévillon, qui a, je le disais en ouverture, ensanglanté l'Europe et qui démarre justement par cette défenestration de Prague en 1618, cette bataille de la montagne blanche en 1620, toute proche de Prague, et qui va ensuite se répandre dans toute l'Europe. Quel est l'état, puisque vous êtes historien du militaire, mais aussi du social du militaire, puisque ce n'est pas simplement les batailles qui vous intéressent, c'est ce que le militaire fait à la société et quel rapport il a avec cette société. Quel est l'état, justement, de cet art militaire quand commence cette guerre de 30 ans, Hervé Drévillon? Dans votre histoire militaire de la France, vous avez confié à vos anciens étudiants et Benjamin Deruel le soin de traiter de cette période, alors que vous avez vous-même gardé pour vous le siècle de Louis XIV. Quel est l'état des armées dans cette France du tout début du XVIIe siècle? Alors, les armées sont en train de vivre de profondes évolutions. D'abord, sur le plan strictement de l'art de la guerre. C'est le moment, au début du XVIIe siècle, où l'arme à feu, le mousquet essentiellement, l'arme à feu individuelle, devient la maîtresse des batailles. Mais pour cela, il faut mettre en place des dispositifs tactiques. C'est notamment le tir par salve, parce que les armes à feu sont vraiment très très imparfaites à cette époque. Elles ont une très faible précision, une très faible cadence de tir. Il faut mettre à peu près une minute pour recharger un mousquet. Donc, ça change profond. Enfin, les dispositifs tactiques qui sont mis en place changent profondément l'éthique militaire, parce que la vertu qui domine devient la discipline, parce que le feu n'est efficace que s'il est collectif. Vous voulez dire qu'il va falloir, pour les souverains de l'époque et qui vont participer à cette guerre de 30 ans, Hervé Drévillon, allier d'un côté le panache, la fougue et le courage, qui était la vertu théoriquement des militaires dans les temps anciens, en particulier à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, la chevalerie, pourrait-on dire, avec cette discipline qui ne correspond plus socialement, justement, au même recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, par la naissance, des guerriers nés. Oui. Et de l'autre côté, on va augmenter ses armées de la guerre de 30 ans par tout un tas de roturiers qui n'ont pas cette naissance et qui vont pourtant faire la force des armées de ces années-là. Exactement. Alors, la présence de roturiers et de fantassins dans les Bien armées, sûr. Elle n'est pas nouvelle. Bien en sûr. Revanche, effectivement, ce qui est nouveau... C'est leur nombre aussi. Exactement. Et puis aussi, c'est que, bon, désormais, l'évidence s'impose, c'est que ce sont eux qui règle le sort les batailles. Des batailles. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la noblesse n'est plus le signe d'une connaissance parfaite des armes. Il va falloir même monter, et on en monte, des académies militaires, par exemple, pour former des gens à l'art de la bataille. Voilà, et on voit fleurir aussi des traités militaires, des traités d'armes militaires, qui insistent tous, d'ailleurs, sur la discipline. Hein, et sur, par exemple, quand on regarde les traités du début du XVIIe siècle sur la façon de régler le tir, on s'aperçoit que c'est une discipline minutieuse qui règle les gestes, je dirais presque au millimètre près et à la seconde près. Et, alors, malgré tout, justement, et ça c'est une des grandes tensions qui est produite par la guerre, vous évoquiez tout à l'heure ce que la guerre fait à la société, c'est que, malgré tout, l'idéal nobiliaire continue à dominer, continue à être le référent. Vous parliez des académies. Ce sont des académies dites de noblesse. Et malgré tout, à l'inverse, l'art de la guerre, lui, met en évidence d'autres vertus, telles que celle de la discipline. Et même, on voit émerger ce qu'on appelle, dans les armées, une culture du service, où on demande avant tout à un officier d'être un bon gestionnaire, par exemple à un capitaine, de bien gérer sa compagnie. Alors, on a effectivement un changement, mais avec des restes de l'ancienne culture militaire, pourrait-on dire, Hervé Drévillon. C'est-à-dire que, par exemple, le roi peut demander l'arrière-ban, banc et l'arrière-ban. Donc, c'est assez noble de venir l'aider, de grossir les troupes royales. Et là, ça se passe pas toujours très bien. On peut même dire que ça se passe toujours très mal. C'est-à-dire que l'arrière-ban, effectivement, est composé donc par... Alors, pas forcément par des gentilshommes, mais par des titulaires de fiefs. C'est le fait de posséder un fief qui place un individu sous l'obligation donc de répondre à l'appel du roi. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait une différence entre noblesse et fief suscite beaucoup de réactions. Beaucoup de contemporains considèrent justement que ce qui explique la crise de l'arrière-ban, eh bien, c'est justement son avilissement et le fait que désormais, enfin, de moins en moins, les seigneurs soient nobles. Mais donc, ce sont des troupes non professionnelles et effectivement constituées de briques et de brocs, d'individus qui n'ont pas vraiment de vocation militaire, parce que justement, par ailleurs, le fait que l'armée se professionnalise, eh bien, ça attire dans les rangs de l'armée les gens qui ont une vocation, qui ont une envie de s'engager dans la carrière des armes. Et du coup, ceux qui ne sont pas dans l'armée professionnelle sont précisément ceux qui ne sont pas motivés. Et puis, dans ces troupes royales en France, mais aussi dans d'autres parties de l'Europe qui participent à la guerre de 30 ans, Hervé de Révillon, eh bien, il y a aussi ces mercenaires qui sont l'héritage, là aussi, des guerres d'Italie et même d'autres guerres comme la guerre de 100 ans parfois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des nationaux qui combattent sous le drapeau du roi de France, par exemple, et ils sont nombreux, ces mercenaires. Ce sont des lansquenets allemands, ce sont des reîtres, ce sont des Suisses, des cantons suisses, et qui ont leur propre gouvernement interne lorsqu'ils vont combattre dans les troupes, par exemple, du roi de France. Oui, tout à fait. Et là, la guerre de 30 ans, c'est vraiment l'apogée du mercenariat, puisqu'on a des mercenaires. Donc, je pense par exemple à Bernard de Saxe-Weimar, qui se met au service du roi de France. Mais la relation qui guide le traité qui est passé entre le roi de France et Bernard de Saxe-Weimar, c'est presque une relation diplomatique, presque d'État à État. Hein, Bernard de Saxe-Weimar. Il a ses troupes. Il les gouverne comme il l'entend. Oui. C'est lui qui les équipe, c'est lui qui leur donne des ordres d'une certaine façon. Et il faut intégrer ce corps étranger, c'est le cas de le dire, à l'intérieur des armées du roi. Voilà, exactement. Alors, la chose se fera de façon très concrète à la mort de Bernard de Saxe-Weimar en 1638. Une partie de ces régiments vont être progressivement intégrés à l'armée française, mais parfois de façon un petit peu tumultueuse. Il va y avoir des mutineries en 1645, par exemple. Hein, et Turenne, d'ailleurs, devient un des spécialistes dans la façon de gérer cette relation avec des troupes étrangères. Alors, il faut rappeler que ce Turenne, qui commence le métier des armes, justement, pendant cette guerre de 30 ans, il a d'abord servi le Stadtholder des Provinces Unies, enfin de Hollande, avant de venir au service du roi de France et de servir le roi de France. Ça va bien se passer puisque de toute façon il y aura alliance entre les troupes protestantes et Louis XIII et Richelieu. C'est d'ailleurs une des surprises que l'on a quand on s'intéresse à cette guerre de 30 ans que de voir les innovations stratégiques, tactiques, militaires venir d'endroits qui sont des endroits périphériques à l'Europe de cette époque-là, et en particulier des pays du nord de l'Europe, et plus particulièrement du Danemark et de Suède. Oui, alors, la grande référence militaire, la grande gloire militaire, c'est le roi de Suède, Gustave Adolphe, qui est véritablement un roi soldat, qui participe d'ailleurs pour son plus grand malheur, puisqu'il trouvera la mort à la bataille de Lutzen. Qui participe à la guerre, qui l'amène sur le champ de bataille, et qui effectivement introduit de nouvelles pratiques, alors notamment dans la coordination entre les différentes armes, l'artillerie, l'infanterie et la cavalerie, et donc ce qui permet une plus grande mobilité, une meilleure concentration de force et une capacité trouver la décision sur le champ de bataille, ce qui était finalement devenu assez rare, puisque on avait des dispositifs sur les champs de bataille qui finalement étaient assez statiques, notamment quand vous avez un carré de piquier. Un carré de piquier, alors une pique, ça fait 5 mètres de long. Alors avec quelques mousquetaires qui sont au premier rang. Donc qui portent un mousquet, là, qui portent un mousquet, alors qui eux permettent de font une, deux ou trois décharges face à un ennemi qui attaque. Et une fois qu'ils ont fait leur décharge, viennent se réfugier à l'intérieur du carré de piquet. Pour recharger. Pour recharger, voilà. Et puis, si l'ennemi approche, pour se mettre à l'abri, parce qu'un mousquetaire, une fois qu'il a déchargé, il est totalement vulnérable. Et donc, un carré de piquet, c'est extrêmement difficile à manœuvrer. Parce que, il faut garder la forme du carré. Et donc, le soldat doit surveiller celui qui est devant, celui qui est à gauche, celui qui est à droite. C'est très, très difficile à manœuvrer. Et donc, on avait des dispositifs, finalement, qui avaient fini par devenir assez statiques. Et Gustave Adolphe réintroduit de la manœuvre, de la mobilité. Et notamment, il fait partie de ceux qui redonnent à la cavalerie la capacité. Une cavalerie plus légère que celle qu'on avait auparavant. Exactement, plus légère, plus mobile. Ça n'est plus la charge des chevaliers français qui chargeaient en haie, c'est-à-dire sur un rang. Et qui était censé emporter tout par la force par la force de la charge. Et ça fait longtemps que ça fonctionnait plus. Les Français à Azincourt en 1415, ça n'avait pas trop marché. Ça n'avait pas très très bien marché. Et là, c'est une cavalerie beaucoup plus mobile, beaucoup plus disposée à beaucoup plus d'usage qu'auparavant. Et donc, effectivement, ce Gustave Adolphe, qui a trouvé la mort donc en 1634, si je ne m'abuse, 32, pardon, va participer et entrer dans cette guerre. Mais il faut tout de même dire que s'il y entre, il y entre avec l'argent d'un roi qui n'est pas le roi de Suède lui-même, non, mais qui est le roi de France. En voilà, c'est les clauses du traité de Berwald qui sont signées entre la France et la Suède en 1631. Et la France, effectivement, à ce moment-là... s'allie avec des puissances protestantes, l'Angleterre, pour une fois, la France est alliée à l'Angleterre, la Suède, et puis surtout les princes protestants allemands, parce que Richelieu et Louis XIII, donc, considèrent à ce moment-là que le principal ennemi de la France, c'est l'Espagne. Alors, pour bien comprendre... L'Espagne et les Habsbourg. Enfin, L'Espagne et les Habsbourg, et l'empereur parce qu'ils sont catholique, alliés. Parce que, et l'empereur catholique effectivement, Habsbourg. Parce que donc, les Habsbourg sont sur le trône d'Espagne et sur le trône impérial. Et donc, il y a une alliance familiale, mais aussi religieuse, puisque les Habsbourg sont catholiques. Alors, pour bien comprendre le calcul fait par Richelieu et par Louis XIII, il faut s'imaginer ce qu'est l'Espagne à cette époque, au début de la guerre. Alors, on parlait tout à l'heure de la sécession de la Catalogne et du Portugal, mais avant d'en arriver là, la monarchie espagnole, c'est toute la péninsule ibérique, donc l'Espagne plus le Portugal, mais c'est aussi la Franche-Comté, c'est aussi l'actuelle Belgique, les Pays-Bas qu'on appelle les Pays-Bas espagnols, c'est aussi le royaume de Naples, c'est aussi le duché de Milan, et il faut... Sans compter les territoires d'outre-mer, évidemment. Et les territoires, bien sûr, voilà. Et puis, ajouter à cela le fait que le duc de Savoie et le duc de Lorraine sont des alliés traditionnels de l'Espagne et de l'Empire. Et donc, là, on a vite fait de comprendre que finalement, la France est entourée d'ennemis. Elle est encerclée par l'Espagne. Et donc, c'est une situation géostratégique dont Richelieu estime qu'elle est un péril mortel pour la France. C'est ce qui explique la position de la France. Oh, une œuvre de Martin Luther, donc interprétée par le Kreischor Dresden, dirigée par Hans Grün et Capella Fidicina Leipzig, directeur Martin Flaming. Nous sommes dans une émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée, la première de quatre émissions consacrées à la guerre de 30 ans, avec l'historien Hervé Drévillon, qui vient de co-diriger avec Olivier Vivorca l'histoire militaire de la France, le tome 1 des Mérovingiens au Second Empire, chez Perrin, qui vient tout juste de sortir un gros livre qui fait le point justement sur l'évolution militaire sous l'Ancien Régime. Il y aura un deuxième tome qui sortira bientôt, il n'est pas encore tout à fait... Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, donc sur la période du 19e et du 20e siècle. Hervé Drévillon, on a expliqué comment, dans un moment particulier, Richelieu et Louis XIII se sentant encerclés, s'engage d'abord de façon lointaine dans la guerre de 30 ans en finançant le roi de Suède. C'est ce que Lucien Bélier et d'autres appellent la guerre couverte. Et puis ensuite, on passera à la guerre ouverte. Donc, et là, effectivement, il y a beaucoup d'évolutions dans ces années 1830. Des évolutions stratégiques, des évolutions de tactique. Vous avez expliqué combien Gustave II Adolphe de Suède avait renouvelé la façon de faire la guerre dans cette période des années 1830. Mais comment va-t-on en venir à ce que, dans les années 1830, la France entre ouvertement dans ce conflit ? Alors, la première raison, c'est que la France règle la question intérieure du problème protestant, puisque après l'édit de Nantes en 1598, qui est un édit de pacification, eh bien, il y a une résurgence du conflit. Alors, qui n'est pas, ce n'est pas vraiment le déchaînement des guerres de religion comme ça avait été le cas donc entre 1562 et 1598. On parle à ce moment-là d'une convergence entre une problématique donc religieuse, la question protestante, mais aussi une révolte au caractère nobiliaire, puisqu'elle est dirigée par Henri de Rohan. On parle d'ailleurs de guerre de Rohan. Et donc entre 1621 et 1629, il y a une résurgence du conflit religieux, or qui n'est pas un embrasement général de tout le royaume, et qui se termine alors avec un épisode qui est le siège de La Rochelle, bien célèbre, auquel participe un certain D'Artagnan, qui vient d'être enrôlé dans les mousquetaires. Alors, la fin réelle, c'est l'édit d'Alès en 1629. Alors, l'édit d'Alès réactive l'édit de Nantes, mais avec une petite nuance. C'est que l'édit de Nantes avait concéder aux protestants des garanties militaires en leur accordant ce qu'on appelle des places de sûreté. Voilà, les places de sûreté. Hein, c'est pour ça que je dis que l'édit de Nantes est un édit de pacification, c'est-à-dire qu'il donne aux protestants les moyens militaires de peser pour maintenir la paix. C'était donc un édit d'équilibre militaire. Mais on imagine que Richelieu et Louis XIII, commençant à structurer l'État absolu, sont moins d'accord avec ces dispositions que Henri IV. Absolument, et d'autant que finalement, une garnison protestante à l'intérieur du royaume, une place de sûreté, c'est un foyer potentiel de rébellion. Or, la rébellion, on sait ce que c'est à ce moment-là. Il n'y a pas que les révoltes religieuses. Il y a eu des révoltes nobiliaires en 1614, en 1632. Et donc, quand même, le pays est fortement agité. Et donc, Richelieu commence d'ailleurs, et il y a un mémoire qui date de 1626, dans lequel déjà Richelieu envisage de désarmer l'intérieur du royaume, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus à l'intérieur du royaume la moindre place forte qui puisse servir de point d'appui à une rébellion, quelle qu'elle soit, nobiliaire, religieuse, etc. Et en fait, on voit se dessiner la stratégie qui sera mise en place à partir des années 1670 par Vauban, qui est la stratégie du précaré, qui reporte sur les frontières la défense du royaume et qui désarme l'intérieur. Et donc, les guerres de Rohan, les guerres entre 1621 et 1629, vont être finalement l'occasion de mettre en œuvre cette politique à l'égard des places protestantes, puisque les protestants étant vaincus, eh bien, désormais, ils sont sous la protection du roi de France. L'édit d'Alès qui met fin au conflit est un édit de grâce, c'est-à-dire que le roi leur accorde eh bien, une grâce. Ça veut donc dire que la survie des protestants dans le royaume, désormais, dépend de la volonté du roi, de la grâce royale. Et donc, la paix étant faite à l'intérieur, eh bien, le roi de France va pouvoir s'occuper des affaires extérieures. Et porter la guerre contre l'Espagne, donc il va y avoir de nombreux allers-retours, pourrait-on dire, parce qu'il y a d'abord une offensive espagnole qui fait peur à tout le monde, puisque les Espagnols arrivent à Corbie, prennent la ville de Corbie. On est à moins de 100 kilomètres de Paris, un peu plus. Je crois que c'est 120. 120 kilomètres de Paris. Et là, tout le monde prend peur, parce qu'effectivement, ça n'est pas la bataille de la Marne, mais ça n'est pas loin. C'est-à-dire que les Espagnols sont prêts à prendre justement l'île de France et Paris. Et ça évidemment, ça fait très peur à la fois aux populations, mais également aux rois. Absolument. C'est vraiment un moment important, puisque Corbie montre que, je continue le développement à l'instant, Corbie montre que, en désarmant l'intérieur du royaume, une fois que les lignes de défense sont franchies, eh bien Paris devient vulnérable. Paris est une ville assez difficile à défendre, d'abord parce que sa population est importante et qu'il est difficile de tenir longtemps un siège. Et donc, effectivement, la prise de Corbie provoque alors un grand sursaut national. Patriotique. Mais oui, exactement, puisque Richelieu et Louis XIII mobilisent effectivement ce motif de la mobilisation justement du royaume. Et donc les Espagnols sont repoussés. Mais j'évoquais au tout début de l'émission les questions logistiques. En fait, c'est aussi pour les Espagnols un problème logistique, c'est que ils se sont avancés trop loin dans le territoire français, sans avoir de soutien logistique. Et donc, c'est la conjonction du sursaut orchestré par Louis XIII, mais aussi les difficultés logistiques qui font que les Espagnols repartent. Alors, on est en 1636, lors de cette prise de Corbie, mais on peut dire que l'alliance qui est faite par le roi de France et les princes protestants, et en particulier aussi par les Suédois, est assez solide, que Bernard de Saxe, dont vous parliez tout à l'heure, qui est donc ce noble qui est au service du roi de France, mais pas intégré dans l'armée française, d'une certaine façon, eh bien, va porter le fer plus loin, va aller prendre Fribourg en Brisgau, Brisac, etc. Et sur la rive droite du Rhin, va pouvoir s'installer, ce qui fait qu'on augmente effectivement la capacité de nuisance du roi de France à l'intérieur de cet empire germanique. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quand même un moment important dans l'histoire de la guerre, puisque là, on a vraiment une action en coalition. Qui permet à la France, et qui permettra à la France d'étendre ses frontières. Et ça change quand même beaucoup de choses dans, je dirais, la philosophie de la guerre, mais aussi bien sûr dans la philosophie politique, puisque on a donc un souverain français qui mène une politique en fonction de considérations qui relève de la raison d'État. Et dans les années 1630, c'est vraiment la grande période de théorisation de la raison d'État. Et puis, pour mener cette politique, Louis XIII et Richelieu acceptent le principe et le mettent en œuvre de la coexistence confessionnelle dans les armées. Alors, on est à un moment où les choses se font quand même souvent. Je vais prendre l'exemple d'un célèbre soldat. Un certain René Descartes. Descartes, eh bien, il, avant d'être philosophe, il a été soldat. Il a fait l'apprentissage du métier des armes aux Provinces-Unies, protestantes, calvinistes. Puis ensuite, il est passé au service du duc de Bavière, catholique. Et beaucoup de soldats à cette époque accomplissaient ce genre de parcours. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'un théoricien anonyme a publié un livre qui s'appelle « La guerre libre ». Et qui proclame ce qu'il appelle, je le cite, « la liberté de conscience au fait de la guerre ». C'est-à-dire que la guerre n'engage pas la conscience des individus, elle engage les États. C'est vrai que cette période de la guerre de 30 ans va provoquer une intense augmentation de la réflexion sur la guerre. On oui. peut dire que Grotius, par exemple, sur la théorie de la guerre juste en particulier, voilà. L'écrit pendant cette guerre de 30 ans, enfin au tout début de la guerre de 30 ans, oui. Qu'il y a le grand roman picaresque de Simplicius Simplicissimus qui raconte l'histoire d'un soldat pris, tel son auteur d'ailleurs, dans la guerre de 30 ans, racontant les misères de la guerre. Oui. Il y a la production artistique de Jacques Callot, mais d'autres aussi, sur ces fameuses misères de la guerre, mm-hmm. ces gravures de Callot. On a beaucoup de gens qui réfléchissent, 30 ans c'est long, oui. de guerre, et qui réfléchissent à ce qui est en train de se passer dans l'Europe de l'époque, Hervé Dervillon. Exactement, et je crois que, alors c'est toujours difficile de choisir un auteur parmi la profusion des autres, mais je crois que celui qui exprime le mieux tout ça est Henri de Rohan. Henri de Rohan, qui était donc celui qui avait dirigé la rébellion contre le roi de France dans les années 1620, qui se rallie finalement, eh bien, au nom du respect de la raison d'État. Alors, il faut nuancer, Henri de Rohan est protestant, et il est bien évident que c'était plus facile pour un protestant de se rallier à la raison d'État lorsque celle-ci postulait, avait comme principal principe, la guerre contre la puissance catholique qui était l'Espagne. Mais malgré tout, Henri de Rohan produit un ouvrage qui, je crois, est vraiment un livre majeur, qui s'appelle « Des intérêts des États et princes de la chrétienté », dans lequel il montre que ce qui règle la politique des États et les relations internationales, ça n'est ni le bien, ni le mal, ni la vertu, c'est l'intérêt. Et cette notion d'intérêt, quand même, dans les relations internationales, etc., je rappelle quand même qu'aujourd'hui, ce qui règle la doctrine nucléaire française, c'est qu'on utilise, on est prêt à utiliser l'arme nucléaire au cas où des intérêts vitaux seraient menacés. Et donc, il y a vraiment un moment essentiel de transition dans l'histoire de l'État, mais aussi l'histoire des relations internationales, qui fait qu'on prend en compte désormais cette notion, alors qui est aussi l'héritage de la philosophie mécaniste qui est en train de se développer. C'est aussi Descartes, etc. Sûr. C'est montrer que les relations internationales sont réglées par des rapports de force. Et donc le modèle mécaniste pour penser l'État et les relations internationales s'impose et du coup ça relativise effectivement la dimension religieuse. Alors on le dit, les différents protagonistes du début de cette guerre de 30 ans vont disparaître. Gustave II Adolphe de Suède le premier, mais l'empereur lui-même va disparaître. Richelieu va disparaître oui. en 1642. En 1643, c'est au tour de Louis XIII de disparaître. Et malgré tout, eh bien on va s'acheminer vers la fin de ce très long conflit qui, rappelons-le, a été un conflit terrible. On s'en souvient moins peut-être en France aujourd'hui que dans les pays de langue allemande, mais qui a ramené, comme je crois le disait Schiller, l'Allemagne à un âge barbare. Donc comme si, effectivement, en quelques années, quelques décennies, eh bien tout ce qui avait été construit de culture et de civilisation de langue allemande avait été balayé par ce conflit de la guerre de 30 ans. Donc les acteurs disparaissent, mais on va quand même aller vers le terme de ce conflit, Hervé Dervillon. En 1648, donc avec... Alors, des traités, une série de des traités, et donc qui sont des traités d'abord multilatéraux, donc qui sont négociés à l'occasion de conférences internationales. Des conférences internationales qui ne se déroulent pas dans les mêmes villes. Non. Il y a Münster d'un côté, Osnabrück de l'autre, selon que l'on est protestant ou catholique. Voilà. Et donc c'est pour ça que l'on parle des traités de Westphalie, puisqu'il y a différents types de négociations qui sont menées. Et ce sont aussi des traités qui institue finalement un principe que c'est finalement l'État qui est la puissance de référence pour régler les relations internationales. Et on dit souvent, alors on vous en reparlerez sûrement au cours de cette semaine, hein, puisqu'on parle d'ordre westphalien, etc. Alors c'est peut-être une notion qui a été un petit peu trop sacralisée et peut-être un petit peu figée. Mais en tout cas, c'est vrai que cette guerre de 30 ans amène à relativiser les puissances qui étaient les puissances transnationales. l'Église, mmh. par exemple, puisque donc la France adopte une posture, eh bien contre l'autorité du pape, mmh. par exemple, et adopte une posture non strictement nationale. Et puis l'autre autorité transnationale, c'est l'autorité de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Puisque on reconnaît donc la capacité des États membres du Saint-Empire romain germanique à se gouverner eux-mêmes. Voilà, exactement, et à déterminer leur religion. Et donc vraiment cette guerre de 30 ans, je dirais aussi bien dans la pratique de la guerre, la façon dont l'État administre la puissance militaire. Donc aussi bien dans la pratique que dans la philosophie, on a vu la raison d'État, que dans les relations internationales, c'est vraiment le moment du triomphe de l'État. Oui, et c'est très intéressant parce que tout compte fait, on pourrait se dire, voilà la France en majesté, c'est le cas de le dire, dans une guerre qu'elle a rejoint et ensuite qu'elle a gagnée et qui pourtant ne va pas demander la part la plus grande du gâteau, d'une certaine façon. Elle va être assez parcimonieuse dans ses demandes, en regagnant par-ci, par-là. Bon, évidemment, l'Alsace va finir par tomber dans l'escarcelle française, la Lorraine aussi, évidemment, mais elle ne va pas énormément demander, alors qu'elle était, elle aurait pu pousser encore plus loin son avantage, Hervé Drevillon. Alors c'est un petit peu la règle à l'époque, c'est-à-dire que on est à une époque, c'est pas par exemple l'époque du traité de Versailles où on écrase celui qui a perdu. La France découvrira ça avant le traité de Versailles, en 1763, au moment du traité de Paris qui a mis fin à la guerre de 7 ans, où là, la France a été humiliée et traitée en vaincue. Là, en particulier pour ses provinces américaines. Exactement, voilà. Par exemple, la France avait déjà perdu, enfin, avait perdu une guerre en 1505. Enfin, les guerres d'Italie se sont traduites par une défaite de la France, mais le traité de Cateau-Cambrésis, qui met fin aux guerres d'Italie, n'est pas défavorable à la France. La France y gagne même les évêchés de Lorrain, Metz, Toul, Verdun. Donc l'usage à l'époque n'est pas d'humilier le vaincu et de le dépouiller de tous ses territoires. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le bénéfice de la France est limité. Alors, il sera malgré tout, puisque les traités de Westphalie règlent les choses à l'échelle européenne et surtout quand même à l'échelle de l'Empire. Il reste quand même que le contentieux entre la France et l'Espagne persiste. Mmh. Et donc la guerre reprend après le traité de Westphalie et ne s'achèvera qu'en 1659. Et encore, ça n'est pas une fin définitive, ça n'est pas la dernière fois que la France entrera en guerre contre l'Espagne. Alors, on a bien vu avec vous combien ce moment de la guerre de 30 ans était décisif dans la construction de l'État, dans la façon d'envisager les rapports entre États. Pour finir, puisque vous êtes spécialiste d'histoire militaire, on peut dire aussi qu'il y a une transformation dont va bénéficier Louis XIV. C'est effectivement une meilleure organisation des armées et au bout du compte, la possibilité d'aller porter le fer plus loin, avec beaucoup plus d'efficacité. Et d'une certaine façon, là où on arrête une guerre, eh bien, toutes les conditions sont là pour redémarrer d'autres guerres. Oui. Hervé Drevillon. Alors, d'abord, il faut quand même préciser que ça s'est pas fait tout seul. C'est parce que, quand même, cette guerre a coûté très cher et elle a quand même failli coûter à la France une révolution. Mmh. C'est la fronde entre 1648 et 1652. À cause des prélèvements qui sont demandés à la population française, l'augmentation des impôts. Les prélèvements fiscaux, effectivement, la mise en place de tout un système qu'on appelle, à la suite de Daniel Dessert, le système fisco-financier, et tout ça explose en 1648. C'est une guerre qui a coûté cher, y compris politiquement. Alors, il se trouve que la monarchie française s'en sort, et que, effectivement, à partir des années 50, et surtout dans les années 60, au moment où Louis XIV prend, à partir de 1660, quand Louis XIV prend vraiment entre ses mains personnelles le gouvernement du royaume, oui, là, il va y avoir un train de réformes importantes. Et Louis XIV, par exemple, investit beaucoup dans la réforme de l'armée comme un instrument de sa souveraineté. Et le premier enjeu qui se posait à lui, c'était vraiment prendre le contrôle de son armée. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de forces qui sont étaient des héritages de la féodalité dans l'armée. Et là, il s'agit presque de fonctionnariser l'armée. Merci beaucoup Hervé Drévillon. On aura tout intérêt à lire le très gros ouvrage qui vient tout juste d'être publié par Perrin, Ministère des Armées, qui part des Mérovingiens jusqu'au Second Empire. C'est le premier tome de deux tomes consacrés à l'histoire militaire de la France que vous avez co-dirigé avec Olivier Wieworka. Merci d'être venu pour pouvoir ouvrir cette semaine consacrée à la guerre de 30 ans dans la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marsay. Jacques Hubert était à la technique avec nous aujourd'hui, nous a rejoint à la technique aujourd'hui, et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Vous avez été très nombreux ce week-end à être intéressés par l'annonce de cette série d'émissions consacrées à la guerre de 30 ans sur notre groupe Facebook. Je rappelle qu'il s'agit du groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore sur le compte Twitter de la Fabrique, Fabrique FC. J'espère que nous satisferons votre curiosité.